En Corée du Sud, les autorités militaires ont proclamé de livrer les exercices de débarquement conjoint jusqu'au 6 novembre dans la mer de l'Est de Corée et la zone de Pohang, province du Gyeongsang du Nord. Y prendront part une dizaine de bâtiments de l'armée de mer comme le destroyer Aegis, le vaisseau de débarquement et le dragueur de mines, des avions militaires et une trentaine de chars blindés des forces terrestres, navales et aériennes, des milliers d'effectifs de l'infanterie de la marine, ainsi que même des bateaux civils. On dit que les effectifs de l'infanterie de la marine américaine y participeront pour s'habituer avec l'armée sud-coréenne au procédé de débarquement. Simultanément avec le commencement de ces manœuvres, les exercices codés Chungmu démarreront à Ulsan et dans la province du Gyeongsang du Sud, comme l'examen du plan de faire face en urgence, les exercices destinés à prendre des mesures urgentes et les exercices de mobilisation réelle des importantes ressources naturelles de guerre. Par ailleurs, le premier corps d'armée aussi projette de faire appel à toutes ses troupes pour les exercices complexes face à l'infiltration à Koyang, Pazu, Yangzhou et Yuncheon de la province de Gyeonggi pendant 5 jours.